que la MINUSMA n'a plus sa raison d'être au Mali. C'est simple. C'est-à-dire, le Mali porte plainte. Pourquoi il y a la MINUSMA au Mali? La question qu'il faut se poser, pourquoi il y a la MINUSMA au Mali? Il y a la MINUSMA au Mali parce que quand la France est arrivée au Mali, c'est la France qui a fait introduire une résolution pour faire déployer ce qu'elle appelle des forces onusiennes au Mali. Pourquoi la France a fait introduire cela? Parce qu'on a dit qu'il y avait des terroristes, qu'il y a, je ne sais pas, des djihadistes et que le Mali est déstabilisé et qu'il doit avoir des forces onusiennes pour protéger les civils. N'oubliez jamais cela. Maintenant, ces casques bleus de l'ONU qui sont venus ici par la France et que c'est la France qui a fait prolonger leur mandat dernièrement. Le Mali, maintenant, en cherchant les problèmes, puisque la France, même après 9 ans, aucun résultat, le Mali a commencé à chercher les problèmes. Où se trouvent les problèmes? N'oubliez pas que c'est le peuple malien qui s'est levé. Afrique Média, le monde, c'est nous.